Vous Donne-moi pouvez un nombre de passer 1 à combien 5. de... Small world. Ah, tu pars d'en Et bas. oui. Ah Ça bah oui, dépend, c'était, ça dépend. je pars de bas. Ah bah oui, non, parce que oui, parce que 2, ça fait là, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, c'est vrai que la table, j'avais. Ah oui, là. J'avais compté, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui, et c'est comme quoi. Ça. Non, j'ai pas fait à ma Tu t'es sauce. fait à sa Est-ce que tu veux qu'on refasse le G? Non, parce qu'on risquerait de tomber sur celui qui est en dessous. D'accord, bon, excellent. Très bien. Parce que t'as pas envie de jouer à K2. Non, j'ai Cet pas envie de excellent jouer avec jeu. K2. Bon, écoute, il a joué une fois à deux, Je laisse les ranger, s'il te pas plaît. génial. Donc nous sommes le 27 avril 2019, bienvenue dans Commentaires d'après-jeu, le podcast qui vous éveille à la critique ludique, où un groupe de joueurs différents à chaque épisode donne ses réactions à chaud juste après une partie de jeu de société. Le jeu de ce soir est Small World. Donc c'est un jeu de stratégie de Philippe Keyaerts, édité par Dice of Wonder en 2009. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, c'est à partir de 8 ans. Et les parties sont données pour 40 à 80 minutes. Donc autour de la table, nous sommes 5. Il y a moi, Philippe, l'hôte du podcast, 37 ans. Je suis un joueur bien expérimenté. Vous m'avez déjà entendu dans tous les autres numéros. À ma droite, il y a encore Flavien. Bonjour, enchanté. Donc, Flavien, 33 ans. Je joue régulièrement avec une bonne expérience de jeu. Et j'ai déjà participé au dernier numéro de podcast. Et à ma droite, je vous présente Julie. Ah, bonjour, c'est Julie, 40 ans plus, et un peu expérimentée avec les jeux. À ma droite, c'est Christelle. Bonjour, Christelle, 39 ans, joueuse régulière. On m'a entendu dans presque tous les numéros des podcasts de Philippe. Noémie. Bonjour, Noémie, j'ai 10 ans et je joue pas trop souvent au jeu. D'accord, et tu es la fille de Christelle. Alors, faut pas avoir peur, Noémie, tu peux parler. Si vous voulez participer au prochain épisode, au prochain enregistrement d'épisode, c'est très simple. Vous créez un compte sur le site On va sortir de Nantes, OVS Nantes. Vous guettez la sortie du commentaire d'après-jeu. Vous vous inscrivez, vous venez chez nous. Et parmi les jeux que vous avez apportés, on tire un jeu au hasard. Et on joue à ce jeu qui a été tiré au hasard. Donc cette fois-ci, c'est moi, c'est un de mes jeux qui a été tiré au hasard. Donc je vais résumer le jeu. Les règles rapidement. Donc Small World, c'est un jeu qui se joue donc de 2 à 5 joueurs et comme son nom l'indique, le monde est trop petit. Donc au début du jeu, on va choisir un peuple et au fur et à mesure du jeu, le peuple, on va avancer notre peuple sur la carte et au bout d'un moment, notre peuple ne sera plus assez combatif, donc on va devoir, en plein milieu de la partie, changer de peuple pour en prendre un nouveau. Donc ça me permet d'avoir des physionomies du jeu qui sont assez sympathiques. Les combats se font entre nous, on va se battre entre nous pour avoir un maximum de place sur la carte. Et les combats se font sans dés. C'est juste, il me faut, si j'ai un bonhomme sur mon territoire, l'adversaire devra mettre 3 bonhommes pour me prendre ce territoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si j'ai 2 bonhommes, il devra me mettre 4 bonhommes pour mon territoire. Chaque peuple qu'on va prendre aura des capacités spéciales. C'est ce qui fait tout le piment du jeu. Donc on va faire un petit tour de table très rapidement pour savoir si vous avez bien aimé le jeu. Alors Noémie, est-ce que tu as bien aimé le jeu? Très rapidement. Bah franchement, oui. C'est bizarre. C'est bizarre, très bien. On y reviendra après plus tard. Christelle. Moi j'accroche pas plus que ça à ce jeu-là. Julie. Bah, j'aimais, mais c'est un peu trop compliqué. D'accord, Flavien. Jeu intéressant, mais pour moi, il y a trop de détails. Ok, et puis bah moi, j'ai bien aimé le jeu, puisque c'est le mien, donc forcément, je le trouve super. Que pouvez-vous me dire à propos des règles? Au niveau de la longueur d'apprentissage, notamment. C'est très compliqué à appréhender la règle parce que en général quand on commence à jouer on comprend le truc, mais là même en commençant à jouer il faut encore comprendre comment marche le pouvoir, etc. Que tu nous expliques, que tu nous donnes des exemples. Le début est très très lent. En dehors de la règle, même la mise en place du jeu, il y a tellement de petites choses, de petits personnages partout et tout, que ça prend énormément de temps à mettre en place le jeu en lui-même. Le temps d'avoir toutes les petites figurines et je sais pas tout ce que tu as préparé, mais oui, il n'y a pas le temps. Il y a vraiment un temps de mise en place à compter dedans, quoi. Avant de commencer vraiment à rentrer dans le jeu. Tout à fait. Non, mais les règles, effectivement, pour une première partie, sont très difficiles à appréhender. Ça, j'en suis bien conscient. Mais une fois qu'on les connaît, après, c'est un régal et je les trouve très fluides, par contre. Une fois que, en fin de partie, normalement, ça va très vite, parce qu'on a bien compris la mécanique du jeu. Noémie, comment t'as trouvé les règles, toi ? Franchement, c'est bien. Est-ce que je peux développer un petit peu, s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il y avait de bizarre dans ces règles ? Tout. Tout. Est-ce que t'as compris quand j'ai expliqué ? Presque. Bah voilà, bon, c'est le principal, déjà. Oui, tu t'es mis dans la dynamique du jeu, t'as réussi à rentrer dans le truc, voilà, pas plus... Pas... Même tu reprenais les adultes quand ils comptaient pas bien les pièces. Mais après... Ok, on va parler des mécaniques de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé des mécaniques de jeu ? Bizarre. Pourquoi c'était bizarre, Noémie ? Bah, parce que y a plein de cartes. Moi, d'habitude, je joue avec des pions. Là, il y avait pas de cartes, il y avait des tuiles. C'est pareil. Les tuiles, c'est pareil que les pions. Mais bon. Les pions, ça reprend des... Donc, c'est ça qui t'a paru bizarre. Alors bah moi je vais revenir dessus. Moi ce que j'aime bien dans la mécanique de jeu, c'est que chaque peuple a ses propres règles. Donc c'est ce qui fait que c'est très long à appréhender, mais c'est ce qui fait tout le piment en fait. C'est que chaque peuple qu'on va prendre va avoir une capacité spéciale. En plus, le peuple a un attribut en plus. Donc chaque partie sera différente. On pourra avoir un peuple qui par exemple ce sera les farfadés et leur dragon, ou alors les farfadés. Dur à cuire ou les farfadés et leurs catapultes, et donc à chaque fois le plaisir de jeu est renouvelé. Ce que j'ai bien aimé aussi dans les mécaniques de jeu, c'est que pour faire les combats il n'y a pas de dés. Ça j'aime bien comparé au risque, donc ça limite le hasard. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour gagner il faut avoir un maximum de points de victoire, mais que les points de victoire ce sont à la fois de l'or et qui est face cachée. Donc on ne sait pas qui est en tête ou pas. C'est à nous de le sentir, qui est devant ou qui est derrière. Ouais, moi je reprends. Mais, donc oui, moi je confirme par rapport à la mécanique du jeu, le côté face cachée au niveau de l'or. Ça, c'est très, très agréable. On ne sait pas qui au niveau du plus fort ou moins fort. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est même très bien. Et effectivement... Le détail de chaque peuple et avec le pouvoir qui se met en combinaison, ça c'est le côté que j'aime beaucoup aussi, c'est que tout est unique et c'est toujours unique. Même si on connaît le pouvoir ou le peuple, ça fait un combo qui peut se mélanger sur chaque partie et ce sera différent, toujours. Donc ça c'est vrai que c'est le côté mécanique unique que j'ai bien aimé dans ce jeu. Après, il y a le mécanique que j'ai un peu moins aimé, c'est effectivement le côté où il y a quand même pas mal de détails donc dans l'apprentissage des règles avec l'extension. Parce qu'ils sont pas, il faut réussir à lire et en même temps à préparer. Et c'est vrai que ça, je trouve qu'il y a une anticipation qui est dans un détail assez important. Et c'est vrai que ça, pour la mémo, il y a une partie mémo, mais dans l'extension, il n'y a pas de mémo. Il faut avoir le portable, mais voilà, il y a un côté qui s'est... j'ai trouvé un peu les textes, tout ça, les combinaisons. Il y a un peu trop de texte dans le... Oui, et puis il y a des jeux qui te donnent une fiche explicative comme ce qu'on a reçu au début. Là, la fiche, elle est recto verso, en gros format plus qu'à 4 même. Et encore, on a les extensions, voilà. Comme dit Flavien, on n'a pas en fait tous les pouvoirs et les personnages parce qu'il faut aller les rechercher sur l'application, sur le téléphone. Donc ça, c'est le côté mécanique du jeu que j'ai moins bien... Ça m'a fatigué. Ouais, effectivement, les premières parties sont très difficiles, mais une fois qu'on a joué une ou deux parties, après c'est limpide parce qu'on relit rapidement et on se rappelle tout de suite, même avec les pictogrammes sur le, sur les tuiles, on voit tout de suite quels effets ça peut faire. Oui, si on joue au plus régulièrement. Oui, tout à fait. Et ça, par contre, pour moi, c'est un jeu, si on joue pas beaucoup, faut quand même se remémorer. Oui, c'est ça, une partie de temps en temps entre amis et qu'on décide d'en faire comme là ce soir, non, c'est compliqué. Mmh. C'est plus sagement. On prend pas le plaisir la première partie, je pense. Après, peut-être encore à jouer parce qu'on connaît tous les trucs. Et encore, je trouve que leurs pouvoirs sont quand même assez limités. Il y a d'autres jeux à rôle comme ça où il y a des mélanges de pouvoirs ou des choses comme ça, où les figurines prennent d'autres pouvoirs. Et finalement, c'est quand même plus marqué. Là, oui, effectivement, ils ont des pouvoirs différents, des choses ils peuvent faire différents, mais ça impacte pas tant que ça non plus le système de jeu, ça fait pas un gros écart. La preuve, c'est que là, on finit avec des scores, mais très très serrés, quoi. Ouais. Pour moi, juste finir le petit bonus, ce PS, c'est juste un jeu pour moi qui se joue plus en journée qu'en soirée pour moi. Voilà, c'était le petit PS, je te laisse. C'est difficile, alors les possibilités avec les différents peuples sont difficiles à juger, à estimer en fait. Donc on a des différents peuples qui ont des différentes possibilités, mais on peut pas vraiment prendre une conclusion à la première partie. Alors peut-être ça prend un peu d'expérience en fait. Ah bah typiquement c'est pas le jeu qu'on fait une seule partie quoi. Il faut pour vraiment bien appréhender, pour bien prendre plaisir, il faut faire au moins deux parties. C'est vraiment un minimum et je dirais plutôt même quatre ce serait bien. Parce qu'au début c'est pas un jeu c'est un jeu qui doit être joué régulièrement, ça c'est obligatoire. Au moins au début, après bah moi ça faisait peut-être plus d'un an que j'avais pas joué mais j'ai tellement joué que je connaissais à peu près mes règles. Mais effectivement, c'est pas un jeu à faire une seule fois. Christelle, t'as été déçue par la fin ? Oui, je trouve que après c'est un système qui on s'arrête à 8 tours hein, et d'un seul coup, effectivement, ça s'arrête. Bon, bah, pourquoi 8 ? Il faudrait à la limite qu'il y ait un système à un moment qui permette que ça puisse s'arrêter entre 6 et 8 et qu'on ne sache pas à quel moment ça s'arrête, qui est... Je sais pas, un système de cartes ou j'en sais rien, là c'est difficile de placer un système, mais c'est vrai que bon, c'est comme certains jeux où on retourne trois fois le paquet de cartes ou machin, ou bon bah une fois qu'on a fait le truc, y a ça. Ouais, ça laisse moins de suspense, ça permet plus de. Je sais pas, de calculer, et puis à la fin, en plus on ne fait que compter les pièces, et puis ça y est, il n'y a pas de points bonus, il n'y a pas de truc en plus, enfin il pourrait y avoir quelque chose qui rajoute Ouais, à celui qui finit, je sais pas, un tour, qui finit quelque chose. Donc, effectivement, ça. Ouais, ça, on s'est contenté de prendre un personnage, de le faire vivre. Après, on le met en déclin. On peut refaire vivre, on remet en déclin. Puis voilà, finalement, ça s'arrête, quoi. En gros, c'est ça. C'est parce qu'à un moment, il fallait que le jeu s'arrête. Et. Bon, pourquoi là ? Pourquoi ? Je sais pas. Oui, moi je suis. Je trouve que ça s'arrête un peu comme ça, comme une histoire qui n'a pas de chute, quoi. Ouais. Bah, en fait, oui, moi je dirais qu'on fait une partie de l'histoire du monde de Small World, et en fait, voilà, on arrive, il y a déjà un peuple en déclin sur la carte, il y a notre peuple qui arrive, et puis après, ça pourrait continuer plus longtemps, effectivement. Enfin, on est d'accord, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais pour moi, c'est absolument pas un défaut. Au contraire, ça nous permet d'anticiper la fin et de savoir si c'est encore utile de passer en déclin. Voilà, sur le côté anticipation, ouais, oui, ça, moi, sur, ça. Voilà, moi aussi j'ai regardé effectivement, est-ce que je passe quand même en déclin, qu'est-ce que je fais, etc. Oui, mais ouais, il n'y a pas le petit côté qui pourrait faire qu'un joueur marque plus de points que l'autre parce qu'il y a ça, ou il y a quelque chose qui serait typique à la limite, au dernier tour, on sait que c'est le dernier tour, le 8e, et qu'il y ait quelque chose de spécifique à ce tour-là, dans ces cas-là, qui se passe et qui donne un peu plus d'enjeux ou de stratégie à avoir. Alors moi je pense que vu que les règles sont déjà assez compliquées à appréhender pour une première partie, je pense que au contraire c'est pas tant les règles, c'est aussi le côté de tous les personnages, tous les petits machins, le fait d'avoir tous les pouvoirs et etc. Il y en a tellement en fait, c'est ça que pour moi il y a trop de diversité dans les pouvoirs et dans les le personnage en lui-même a son truc plus le pouvoir spécial à côté. Enfin et après il y en a pléthore et le temps de faire le tri dans tout ça. Que même toi qui avais déjà joué, t'as oublié un personnage là, qui était dans la file de jeu et voilà, le moncule. Bah typiquement, moi j'ai regardé parce que voilà, et effectivement, si t'es pas déjà un joueur un peu averti de ce jeu, savoir qu'il peut se produire des choses même dans la, avant même de choisir ce personnage-là, tu loupes le truc quoi. Tout à fait. Oh, ouais. L'homoncule, en fait, j'avais même pas vu qu'il était sorti. Donc, on va passer aux stratégies adoptées pour gagner. Comment ? Alors donc c'est Flavien qui a encore gagné ce soir, mais ça a été très très très serré quand même. 77 points, moi j'ai 77 points à égalité avec Julie. Derrière, il y avait Christelle et moi qui avions 76 points. Donc c'était vraiment très serré. Et Noémie, tu étais un petit peu plus loin, tu étais à combien ? 62. 62 points. Et donc en cas d'égalité, déjà, je suis content, il y a une règle qui permet de départager le vainqueur en cas d'égalité de points. C'est celui qui a le plus de jetons sur la table, plus de territoire sur la table. Non, de jetons. De jetons. De jetons. Ça, parce que tu avais les dames blanches qui étaient dans leur tour d'ivoire, donc ça t'a fait... Et leur déclin, c'est jetons déclin, ouais. Et avec les territoires, ceux qui sont... Tout à fait, ouais. Donc, bah, comment est-ce que vous avez fait pour gagner ? Quelles ont été vos stratégies ? Bah, là aussi, c'est quand même assez simple. C'est de regarder combien fait chaque personne à chaque tour, hein, et puis tu fais le compte. Hein. Moi, je voyais bien qu'effectivement, ça jouait. De toute façon, on était vraiment très proches. Hein. Quand tu vois que quelqu'un, il fait 10, 14, machin, toi, tu te dis qu'effectivement, si tu fais pas à peu près le même score, c'est... Donc, ta stratégie, c'est d'attaquer le meilleur, en fait, c'est ça ? Bah, c'était de regarder combien ils avaient, de m'estimer mes points par rapport à eux. Donc effectivement, après, en fonction de ça, tu sais combien de points tu dois faire absolument, sinon tu es hors jeu, tu es hors course assez vite. Quoi. Oui, mais tu sais combien tu dois faire, mais comment tu fais pour les faire ? C'est ça la question. Bah, après, voilà, en fonction de ça, tu prends plus ou moins de risques. Et quand tu vois que de toute façon, si tu les fais, si tu fais genre 6 ou 7 et qu'il en a fait 10, et que forcément déjà il prend plus 3 et que ça fait 2 tours qu'il prend plus 3... t'es obligé à un moment de te dire bah là je vais prendre un personnage où effectivement je suis pas sûr de réussir à tout caser ou peut-être que ça va me jouer des tours après mais tu prends quand même quoi, ça dépend après aussi de la position sur le jeu, donc il y a pas tant de stratégie que ça, enfin c'est pas un jeu vraiment de stratégie pure et dure quand même parce que tu peux pas, il y a pas grand chose que t'anticipes hein, la position sur le jeu etc, tu peux pas l'anticiper hein, donc en fonction de ce que tu laisses, toi tu m'aurais laissé moi plutôt que Julie, ça lui aurait changé, ses elfes, elle les aurait fait revivre. Enfin, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une stratégie. Bah pour moi, si pour moi, c'est pour moi, il y a juste une. Tu peux compter les points, mais après, tu peux pas estimer comment va jouer l'autre joueur. Enfin, je suis pas. Ouais, non. Alors pour moi, il y a très peu de hasard dans ce jeu en fait. Et au contraire, je trouve que c'est vraiment très stratégique et que si moi si j'ai pas attaqué les elfes de Julie au début, c'est parce qu'ils étaient immortels et j'ai attendu qu'ils passent en déclin pour pouvoir les tuer. Et oui, à un moment donc, j'aurais pu t'attaquer toi ou Flavien, tu vois le hasard qui fait bah tiens je vais te choisir toi ou voilà. Ah ben justement pas... moi dans ces cas-là j'attaque celui que je pense être le premier joueur. Oui, bah, sauf que quand t'es au premier ou deuxième tour, t'as pas encore d'estimation. Pour moi, vous étiez à égalité, donc je veux pas de... Tu vois ouais. Et après, moi, le cas, c'est pas représenté sur le choix entre deux joueurs. Après, non, c'était un choix parce que bah, par rapport au territoire qui était disponible et au point que ça allait me faire et comment je pouvais placer... voilà, il n'y avait pas eu de... Je peux compter les points que moi je récupère et les points que je vous fais perdre aussi en vous attaquant, c'est vrai. Mais ça fait un point pour un point. C'est pas... Le truc, c'est qu'un territoire, ça vaut un point. S'il y avait eu un moment le territoire qui valait plus de points ou des choses comme ça, c'est souvent les cartes qui permettaient d'apporter plus de points, mais pas les territoires en soi. Non, c'est la tuile. Si tu as les humains, effectivement, il faut aller prendre les champs. Ou les... Ouais. Et toi, Noémie, c'était quoi ta stratégie ? Bah, moi, en fait, je suis plus restée dans mon coin. Oui. Pour avoir plus de tuiles à chaque fois pour pas me les faire enlever du jeu. Voilà. Donc quand je voyais qu'il y en avait qui venaient vers moi, j'allais plus de l'autre côté. Et du coup, bah, comme ça, moi, à la fin, j'ai terminé, j'avais tous mes joueurs. Oui, parce qu'en plus, t'avais un personnage qui avait un pouvoir particulier et que t'avais intérêt, toi, à placer... à déplacer, ouais. Mais alors, il y a un moment où moi je trouvais que tu n'avais pas été du tout stratégique, c'est-à-dire que tu es venu m'attaquer moi pour venger ta mère que j'avais attaqué la fois d'avant, alors que j'étais quand même très très difficile à battre. J'étais plus difficile à battre que Flavien qui était juste à côté. Mais grâce à ça, Flavien a gagné plutôt que Philippe. Merci, Philippe. Voilà, Philippe, tu réfléchiras que quand tu as la mère et la fille dans la même pièce, c'est stratégiquement. Il n'est pas bon d'attaquer la mère. Voilà, c'est ça. C'est à cause de ça que tu as perdu. Par contre, vois, les points qui t'ont manqué, ils sont là. Qu'on soit d'accord, Christelle, j'aurais attaqué Noémie. Tu m'aurais attaqué en retour pour la défendre. Même si c'était pas ta stratégie. Bon, son silence en dit long. Voilà. Moi, mon autre stratégie, c'est aussi de prendre le peuple, le premier, enfin, dans les premiers peuples. Parce qu'en fait, si on ne prend pas le premier peuple qu'on nous propose, on doit donner un de ses points de victoire à placer. Et c'est la personne qui prendra le peuple qu'on n'a pas pris qui récupérera ce point de victoire. Donc moi, je préfère garder mon point de victoire et ne pas le donner à mon adversaire. Et plutôt récupérer les points de victoire des autres. C'est ce que j'ai fait au dernier coup, dernier tour, j'ai pris le premier peuple parce qu'il y avait, c'est là où il y avait le plus de points de victoire. Il y en avait 5 dessus, je crois. Donc ça 6, donc ça m'a fait gagner 6 points de victoire. Plutôt que si j'avais pris l'autre, ça m'aurait fait perdre un point et. Gagner un point. Et gagner un point. Oui, c'est un vrai écart de 6 points, oui. Mais même, j'aime pas mettre 2 points pour prendre le troisième peuple, si tu veux. Je préfère prendre toujours. Dans les 2 premiers, c'est rare que j'aille prendre le troisième. Le quatrième et cinquième, c'est quasiment jamais. Moi, le dernier, j'ai pris les homoncules, j'ai mis 2 points, mais il y avait 2 points dessus. J'avais rien à perdre sur celui-là. Bah oui, mais t'aurais pu. J'avais plus de personnages après derrière. Ouais, mais. Par rapport à ce que me donnaient les autres. Mais tu gagnais, si tu prenais le premier ou le deuxième peuple, tu gagnais plus de points. Non, je crois parce que j'avais moins de personnages à placer. D'accord, autant pour moi. Donc, ouais. Bah, moi, ma stratégie, c'est. Justement, moi, c'est, j'ai pris le premier avec. C'était les nains. Et justement, qui faisait. Donc, ils étaient assez corrects, 9. Mais ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait le côté. Il reste. Et il y a toujours le plus, sur une case territoire où il y a un plus 1 en talent, enfin en pièce, de, en pièce d'or. En pièce d'or. Ouais. Et, même, et que ça continue même en déclin. Ouais, c'était les nains, ça. Et ça, c'est un côté effectivement que j'ai trouvé que ça continue toujours. Ouais. Bah, ça a été justement pour le début. Justement, ça apporte. Ouais. Parce que tout le monde n'est pas peut arriver, mais j'étais le deuxième à jouer, mais en fonction, voilà, tout le monde se place sur les cases vides au début. Donc il y a moins de risques que je me fasse attaquer. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ça a été une stratégie. Après, la deuxième partie stratégique, c'était le côté justement que de prendre un peuple qui fasse toujours le côté combo et qui continue à rapporter en nombre, même en déclin. Donc les prêtresses, elles faisaient ça avec le nombre de territoires. Ça revient sur une territoire et on met le nombre qui était conquis justement. Et eh bien, comme j'en ai conquis 6, et eh ben quand je les mets en déclin, hop, elles se regroupent et se mettent en 6. Et donc, ça continue à rapporter avec le nombre, même en déclin. Donc, ça, c'est la stratégie justement que j'ai vue avec le déclin, toujours en continuité. Et puis, justement, les humains que j'ai pris, ils n'étaient pas en deuxième position, mais en troisième position. Effectivement, la première avait beaucoup de sous au niveau du premier peuple, parce qu'on ne l'avait pas pris. Et d'ailleurs, Philippe, c'est toi qui l'as pris. Mais justement, j'ai pris la troisième. Car les humains avaient un super combo. Déjà, ils continuent à rapporter sur les champs. Ils font un plus 1 au niveau des pièces, donc des pièces d'or. Et j'ai le côté pour faire la conquête. Il y avait le pouvoir qui donnait une conquête facile pour les champs et les collines. Et les humains avaient cette côté combo qu'en plus, les champs les rapportent aussi en pièces. Donc, effectivement, ils étaient en troisième position. Par contre, ils étaient avec. C'était le pouvoir 5 et humain 5, donc 10, donc c'est quand même beaucoup. Ouais. Et je mettais juste que 2 pièces pour avoir une facilité de mettre des conquêtes. Oui, et donc ça, c'est quand même. Et avec toujours 1 plus 1. Ce qui plus. Confirme que c'est pas forcément parce qu'ils sont en premier qu'il faut les prendre. C'est là, on voit bien ce que tu as choisi. Ah oui, t'as donc voilà ma stratégie. Un très bon combo, c'est sûr que ça, c'était un très bon combo. Ma stratégie, ça a été ça en fait. Voir ces combos et ce côté qui rapporte toujours. Alors, avec le déclin aussi. Donc c'est ça qui m'a vraiment apporté dans le pour moi la partie stratégique effectivement. Donc voilà pour moi mon côté en tout cas comment j'ai mis en œuvre la stratégie. D'accord. Julie, tu voulais parler de ta stratégie? C'est difficile. Alors, il faut avoir la chance pour trouver un bon peuple en fait. Alors moi j'avais de la chance avec les elfes, donc elles étaient sur la troisième place, je crois, alors Oui, la première fois, c'était au troisième place. Ouais. Quand même. Mm. Donc, c'était super. Hein. Donc, oui, après ça, ça dépend des peuples, en fait. Alors, si on a un peuple qui... Alors, il y a des peuples qui sont un peu plus appropriés pour le début, en fait. Il y a des peuples qui sont un peu plus appropriés pour la fin du jeu. Mmh. Et si on prend ça, alors on arrive à une bonne mélange, en fait. Et ouais, alors ça c'est normalement ça c'est la stratégie, mais la stratégie elle dépend aussi de la chance. Donc s'il n'y a rien dans les peuples, on peut rien faire en fait. Maintenant on va passer à qui s'adresse ce jeu, qui peut vraiment envisager d'acheter ce jeu. Pour moi, c'est pour des joueurs réguliers, hein. C'est pas des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jeux de société. Des maniaques. Moi, je pense que c'est un jeu qu'on doit sortir régulièrement, ça c'est obligé, surtout au début. Mais c'est à partir de 8 ans, et je pense qu'avec, vu que c'est un thème que les enfants peuvent apprécier, et je pense que Noémie apprécierait d'y rejouer. Donc pour moi, c'est effectivement c'est un jeu qui doit être rejoué, et c'est pas un jeu de démonstration qu'on joue qu'une seule fois, j'ai déjà dit. Ah, ça je suis d'accord que c'est pas un jeu qui joue qu'une fois. Ça c'est un jeu qui... Non, mais même faut que ce soit des gens qui ont l'habitude un peu de jouer, des gens qui font que des petits jeux, des trucs basiques, où je suis pas sûre que... Ouais, pour moi c'est des gens qui ont l'habitude des jeux de société et qui veulent bien manipuler ça, parce que sinon c'est quand même casse-pied à mettre en place, etc. Les gens vont pas le sortir naturellement de leur placard. Ah, c'est un jeu de stratégie, c'est pas un jeu familial. Non, voilà, pour moi c'est vraiment ça s'adresse vraiment à des joueurs, c'est des joueurs jeu réguliers, oui. C'est oui, pas... Oui. Voilà. Oui, complètement, je suis d'accord avec toi, oui. Oui, il faut bien s'occuper du jeu, en fait. Donc, alors on peut pas commencer à jouer, il faut juste bien connaître les peuples, bien connaître les différentes possibilités qu'il y a, donc c'est assez compliqué à comprendre, donc on peut pas réussir à la première fois, à la deuxième fois, alors il faut bien se préoccuper, en fait. Est-ce que vous pouvez recommander des jeux en rapport avec celui-ci ? Moi, je sais que ce jeu, en fait, c'est la réédition d'un ancien jeu. Je me rappelle plus, je crois que c'est Atlantide ou Atlantis, mais je ne suis vraiment pas sûr. Et qui reprend exactement les mêmes mécaniques. Et les joueurs qui m'avaient montré justement ce premier jeu, cette première édition, préféraient la première édition à celle-là. Moi, la première édition, je me rappelle vraiment plus du nom du jeu, je suis désolé. Je la trouvais beaucoup moins colorée. Enfin, les dessins étaient beaucoup moins beaux et il y avait un peu moins de peuple. Et j'étais complètement perdu puisque je ne retrouvais pas mes repères. Donc moi, je vous conseille l'édition de Small World et pas la première, en tout cas. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui est à part. Je ne vois pas trop de jeux similaires à celui-là. Si ce n'est Cléopâtre et la Société des Architectes, qui reprend juste la même mécanique de scorer à l'aveugle, en fait. On gagne des points et on met face cachée. C'est le seul... Oui, il y a des mécaniques de jeu qu'on peut retrouver, comme le système d'avoir des tours de jeu aussi, ou voilà, mais après... Oui, le plateau de jeu en lui-même est quand même assez unique. Oui, c'est quand même un plateau unique. Ça, Small World, oui, complètement. Il y a aussi Seven Wonders qui va un peu dans cette direction, en fait. Oui, histoire de peuple, oui. Ouais. Bon, mais t'achètes pas les ressources. Ah non, moi, je vois aucun... Je connais ton opinion, ouais. Non, mais je vois pas le rapport entre Seven Wonders et ce jeu-là, et Small World. Je vois pas... Non, je vois pas non plus, hein. Je vois aucun rapport. Moi, j'ai un peu, alors, avec les peuples qui sont là, et tout ça dépend des peuples, en fait, ça, et des possibilités des peuples, donc, à mon avis, c'est un peu... Comment tu fonctionnes, peu comparable, mais c'est pas du tout les mêmes mécanismes, en fait. Mm-hmm. Alors c'est tout différent, mais il y a un peu l'hasard qui vient avec le choix du peuple, en fait. Mmh, oui, d'accord. Ouais, okay, oui. Ouais. Si là, bah, j'ai mes jeux que j'aime bien, c'est Dune et Mare Nostrum, qui font aussi que suivant le peuple qu'on a au début du jeu, par contre là on le gardera jusqu'à la fin, on a effectivement un pouvoir qui est complètement différent des autres, dans Dune et Mare Nostrum. Oui. Voilà, c'est les petits jeux qui sont peut-être en rapport avec celui-là. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur le jeu? Non. Bah, moi oui. Je dis que c'est un jeu avec une illustration de dessin agréable. Voilà ce que je peux dire à travers ce jeu, et qui se joue voilà, avec le côté agréable des peuples. Eh bien, très bien. Flavien, est-ce que tu veux parler de ton métier ou pas? Ah bah je... je suis quelqu'un qui parle de bouche à oreille des produits stand-up qui font des compléments alimentaires, biodynamiseurs et phycosamide, curcumine, spiruline. Et il y a une réunion de discussion qui se fait une fois par mois, donc dont une qui se fait dimanche, donc demain, et ce sera fin du mois prochain pour le mois de mai. Et c'est une fois par mois, toujours, avec le site stand-up. Voilà, tout simplement. Et je suis aussi quelqu'un qui fait en loisir du massage magnétique avec les access bars. Donc, à Saint-Herblain. Et je pratique ça. Je peux venir chez les gens, vous pouvez venir chez moi. Voilà, tout simplement. Et mon email, c'est flaviengouret@wanadoo.fr si vous voulez avoir plus d'informations. Merci à vous. Ok, très bien. Et ben on va pouvoir conclure. Donc vous trouverez mon mail dans les notes de l'émission. Je mettrai le tien aussi dans les notes de l'émission, Flavien. C'était Commentaire d'après-jeu. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de jouer, d'analyser et de critiquer vos jeux et vos stratégies de jeu. Votre plaisir ludique n'en sera que décuplé. Bah écoute, ça faisait hyper longtemps que j'ai pas joué. Par contre, j'avais déjà joué une fois. Ouais, une ou deux fois. Peine, j'ai dû jouer. J'ai joué trois fois, quatrième fois maintenant avec là. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Small World. Ça fait plus d'un an. T'avais joué avec l'extension du magicien, t'étais le magicien, je crois. Ah oui. Le nécromant. Oui, ça me dit quelque chose, ça, oui. Et j'avais pas du tout aimé cette extension en fait. Oui, il y a un truc qui est dans le podcast, tiens. Pas jouer avec l'extension du nécromant, c'est complètement... Oui, t'avais pas aimé, oui. Non, ça permet de jouer à 6, mais moi j'aime pas, parce qu'après c'est... Après on est tous contre le nécromant. Ah oui. Le nécromant est contre tout le monde, et on est tous contre le nécromant. Et après, si on a battu le nécromant, c'est le meilleur d'entre nous. Donc en fait, c'est... Oui, il y avait un truc comme ça, oui, c'est vrai. Ah ouais, ça m'avait... Oui, effectivement, aimé, oui, exact. Donc, en fait, on se fait des coups de pute entre nous, plutôt que de se débrouiller, que de penser à nous, ouais. Ouais. Ah, peut-être il fallait commencer avec le jeu pur sans extension en fait. Ouais, mais tout est mélangé, alors honnêtement après on aurait perdu un temps fou et là j'ai pas mis enfin remarque, pas de règles de base. Tu mettais pas l'extension, on cherchait pas les règles pour l'extension. Oui. Donc il y a moins de parce qu'on a commencé on a quand même cherché dès le départ avec plusieurs peuples qui étaient à l'extension. Ouais, mais honnêtement ça a non mais fait... par rapport à la longueur du début. Ouais. Enfin, c'est notre premier parce qu'on apprend les règles, ça Ouais, ça... mais le temps que je fasse le truc, j'enlève les Oui, c'est dans la réflexion. Dans la réflexion qu'on regarde. Ouais. On n'a pas ça tout de suite là, donc c'est Ouais, je suis d'accord. Donc il y a une longueur par rapport à ça. Oui, mais le temps que je fasse le tri entre. Ou alors on aurait pu les enlever au cas par cas. Ah oui, non, mais arrivés, pas trier, ouais. Voilà. Non, mais pas trier. Et même à un moment, t'étais même plus avec nous, t'étais dans ton truc d'organisation, t'étais. Oui, je confirme que j'étais plus dedans. Ah ouais, à un moment, c'est vrai. Donc c'est un peu perturbant. T'as un joueur qui est à l'ouest. Ouais. Okay, quoi. Je suis désolé, j'ai pas mis une bonne ambiance ce soir. J'en suis tout à fait conscient. Non, mais c'est parfait. Ouais, j'étais en train de remettre mes pièces dans l'ordre parce que pour gagner du temps derrière, ouais. Comme un maniaque, quoi. Pour moi, pour eux. Pas comme... Non, parce que c'était pas comme un maniaque, c'était parce que pour gagner du temps derrière, parce qu'on était un petit peu stressé par le temps, mais bon, finalement. Bah, c'est un jeu qui. Ouais, puis bon, en journée, c'est plus agréable ce jeu pour moi. Ah bah, Peut-être. Ça, suppose, ça apaise avec le soleil. Là, tu joues sur c'est hop. Parce que du coup, t'es beaucoup plus. C'est cool. C'est plus cool. Parce que moi, je crois, alors si tu commences avec 16 peuples ou quelque chose comme ça, alors tu peux bien apprendre les peuples et leur pouvoir et tout ça. Donc, c'est plus facile. Oui. Et quand tu as les 30 ou 40 ou 50 peuples, c'est un peu. Surtout que les peuples, il y a certains peuples qui sont très. Les homoncules. Les, oui, alors moi je connais pas du tout, alors moi j'avais pas l'appli, donc alors c'était un peu. Alors pour moi c'était. Alors c'est quoi les prêtres? Prêtresses, ouais. Prêtresses, ouais, ou les lames blanches. Alors c'était juste une image en fait, mais. Oui, oui. Ce que je connais pas du tout, donc. Ouais, je comprends bien, ouais, donc c'est clair. Non, il faut rejouer à ce jeu. Mais c'est vrai que, par contre, avec seulement le jeu de base, on a très vite fait le tour, en fait, des peuples. On les joue 2-3 fois, on les connaît par cœur. D'accord. Oui. Donc les extensions, c'est vraiment indispensable quand on a le jeu. Ouais, mais là, pour commencer, par contre, il aurait peut-être fallu remettre le jeu de base. Peut-être, ouais. Quand il y a des nouveaux comme ça... Prochaine fois, je crois que c'est ce que je ferai. Et en plus, on est tombé sur un peuple un peu plus délicat, tu l'as dit toi-même. Ah, les homoncules, là, ça t'aura dû... Il est pas dans le truc de base, lui ? Non, il est pas dans le... Mais non, justement, c'était le plus compliqué. Tu l'as tout de suite, il est un peu... Les Amazones aussi sont pas faciles. Les Gitanes sont pas faciles. Tu l'avais dit tout de suite, justement, ça. Ouais. Et ça, t'aurais pu les retirer. J'aurais dû les retirer. J'ai hésité à le faire, je suis... Ah, non... j'aurais dû les retirer. Ouais. Enfin, tu vois, c'est... Quand ils sont arrivés, quand il y a un peu de nouveau, comme ça... Ouais, la prochaine fois, je... En ça fait, j'ai... C'est vrai, c'est... j'aurais... Mais au début, je pensais qu'il fallait faire ce tri, mais fait, non, on les met... Et dès qu'il y a un truc nouveau, poum, on l'éjecte. Il n'y a pas besoin de trier, c'était ça. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Une fois, mais c'est pour ça, c'est juste une expérience qui permet de penser à ça. Voilà. C'est un bonus. C'est ça, ça m'a donné... Donc toi, c'est très bien, au contraire. Mais tu précises pas dans ton podcast qu'en plus on joue avec les extensions. Hein. Non. Peut-être que c'est ça la différence. Et effectivement, c'est peut-être quand t'es nouveau joueur, tu joues avec les trucs de base. Et qu'après, quand t'en as... besoin, tu joues avec les extensions. Bah oui, justement, après, oui. Mais le fait est, c'est que là, de jouer avec les extensions, je pense que c'est trop quand t'es nouveau joueur sur ce jeu-là, quoi. Disons que t'as pas l'aide de jeu devant toi, effectivement. Je pense que c'est peut-être ça la différence. C'est qu'il y ait moins de trucs et que les extensions, les personnages font peut-être d'autres choses et qui sont plus compliqués à comprendre que, effectivement, avec des personnages bases et des pouvoirs bases, peut-être plus facile aussi à comprendre tout de suite le. Oui, mais il y a un côté, il y a une petite pression parce que du coup, je vois le peuple, il est pas là. Toi, mais c'est pas encore à moi de jouer. Donc je prépare, mais toi, je me pose un peu la question. Il y a un peu trop de questions de. Ah oui, il faut que je prenne le portable. Tu vois, donc du coup, les gens qui sont un peu au début, ils peuvent, j'ose pas trop me concentrer sur ce peuple. Je vais plus me. Tu vois, alors que c'est un peuple très intéressant, tu vois. Enfin, tu vois, et donc du coup, ça mélange un peu le côté justement stratégique pour les. Et moi, je dis dans la stratégie, normalement, quand on te donne la fiche, c'est que tu vois tous les pouvoirs de tous les trucs. Donc au bout d'un moment, tu sais lequel normalement devient plus intéressant par rapport à d'autres et comment ils fonctionnent. Justement. Quels sont les combos. Et là, typiquement, on les a pas tous. T'as un espèce de listing sur l'application ou alors faudrait prendre toutes les fiches des 3 ou 4 applications que tu dois avoir, enfin, l'extension que tu dois avoir. C'est une expérience. C'est une expérience. Non, effectivement, la prochaine fois, ce sera sans. C'est ce que sont la plupart des jeux qui ont des. C'est pour ça qu'il y a une extension, normalement, il faut jouer sans extension au départ, et puis après, tu sors sans extension. Oui. Mais ça, la plupart des jeux avec extension, il faut les enlever. Pour moi, il aurait fallu les enlever. Oui, mais ce que je disais au début, je me suis dit, le temps de les trier, c'est mort le temps de les trier. Mais effectivement, c'est comme moi, j'avais joué à Season, c'est pareil, quoi. C'est écrit, au début, vous jouez que avec les cartes qui vont de 1 à 60. Et la fille, elle a insisté pour qu'on joue avec toutes les cartes. Et non, quoi, c'était pas possible, quoi. C'est, on passait notre temps dans les règles à comprendre le truc.